Ses cheveux étaient séparés sur le côté et son front s'allongeait très loin vers les tempes. Il resta un long moment sans bouger, puis il se tourna tout à fait vers moi. Deux arbres seulement nous séparaient. Il fit encore un pas, il prit d'une main le tout jeune arbre qui était devant lui, et les branches fleuries firent comme un bouquet au-dessus de sa tête. La clarté était si grande qu'il me semblait que l'écorce des arbres brillait et que chaque fleur rayonnait, et dans les yeux d'Henri Deslois, il y avait une douceur si profonde que je m'avançai vers lui sans aucune honte. Il ne fit pas un mouvement, mais quand je m'arrêtai devant lui, son visage devint plus blanc que sa blouse, et sa bouche trembla. Il prit mes deux mains, qu'il appuya fortement contre ses tempes, et il dit d'une voix très basse, « Je suis comme un avare qui a retrouvé son trésor. » En ce moment, la cloche de l'église de Sainte-Montagne se mit à sonner. Les sons montaient la colline en courant, et après s'être reposés un instant au-dessus de nous, s'en allaient se perdre plus haut. Les heures passèrent avec le jour, les troupeaux disparurent un à un de la plaine. Une vapeur blanche se leva de la petite rivière. Puis le soleil passa derrière la barrière de peupliers, et les fleurs déjeunaient commencèrent à devenir plus sombres. Henri Deslois me ramena sur le chemin de la ferme. Il marchait devant moi, dans le sentier étroit, et quand il me quitta, un peu avant l'allée des châtaigniers, je sentis que je l'aimais plus que sœur Marie-Aimée. La maison de la colline devint notre maison. Chaque dimanche, j'y retrouvais Henri Deslois, et comme au temps de Jean le Rouge, je rapportais le pain béni que nous partagions en riant. Il y avait en nous comme une folie de liberté qui nous faisait courir tout autour du jardin et mouiller nos souliers dans le ruisseau de la source. Henri Deslois disait « Le dimanche, j'ai aussi 17 ans ». Parfois, nous faisions de longues promenades dans les bois qui entouraient la colline. Henri Deslois ne se lassait pas de m'entendre raconter de mon enfance avec sœur Marie-Aimée. Nous parlions aussi d'Eugène, qu'il connaissait. Il disait qu'il était de ceux qu'on aime à avoir pour amis. Je lui dis aussi combien j'avais été mauvaise bergère. Et tout en pensant qu'il allait se moquer de moi, je racontai l'histoire du mouton enflé. Il ne se moqua pas, il passa seulement un doigt sur mon front en disant « Il faut beaucoup d'amour pour guérir ça. » Il nous arriva un jour de nous arrêter près d'un immense champ de blé dont on ne voyait pas la fin. Des milliers de papillons blancs voltigeaient au-dessus des épis. Henri Deslois ne parlait pas, et moi je regardais les épis qui se ployaient et se redressaient, comme s'ils voulaient prendre leur élan pour fuir. On eût dit que les papillons leur apportaient des ailes pour les aider. Mais les épis avaient beau s'agiter, ils ne parvenaient pas à quitter la terre. Je le dis à Henri Deslois, qui regarda longtemps le blé. Puis, comme s'il parlait pour lui-même, il dit en traînant sur les mots. Il en est de même pour l'homme. Parfois, une douce créature vient à lui. Elle est semblable au papillon blanc de la plaine. Il ne sait si elle monte de la terre ou si elle descend d'en haut. Il sent qu'avec elle, il pourrait vivre du vent qui passe et du miel des fleurs. Mais pareil à la racine qui retient les pieds à la terre, un lien mystérieux l'attache à son devoir, qui est fort comme la terre. Il me sembla que sa voix avait un accent de souffrance et que sa bouche fléchissait davantage. Mais presque aussitôt, ses yeux s'arrêtèrent sur moi et il dit d'une voix plus ferme « Ayons confiance en nous !» L'été passa, puis l'automne, et malgré le mauvais temps de décembre, nous ne pouvions nous décider à quitter la maison de la colline. Henri Deslois apportait des livres que nous lisions assis sur des rondelles de bois dans la pièce qui donnait sur le jardin. Je rentrais à la ferme quand la nuit venait, et Adèle, qui croyait que je passais mon temps à la danse du village, s'étonnait toujours de mon air triste. Presque chaque jour, Henri Deslois venait à Villevieille. Je l'entendais venir de loin. Il montait, sans bris de nicelle, une grande jument blanche qui trottait lourdement et qui le portait à travers les labours et les sentiers. C'était une bête patiente et douce. Son maître la laissait en liberté dans la cour pendant qu'il entrait dire bonjour à Madame Alphonse. Aussitôt que M. Alphonse l'entendait, il entrait dans la lingerie. Tous deux parlaient de l'amélioration des terres ou des gens qu'ils connaissaient. Mais il y avait toujours dans la conversation un mot ou une tournure de phrase qui venait à moi, comme la pensée visible d'Henri Deslois. Je rencontrais souvent le regard de M. Alphonse et ne pouvais pas toujours m'empêcher de rougir. Un après-midi qu'Henri Deslois entrait tout souriant, M. Alphonse lui cria « Vous savez que j'ai vendu la maison de la colline ?» Les deux hommes se regardèrent. Ils devinrent si pâles tous les deux que j'eus peur de les voir mourir sur place. Puis M. Alphonse se leva de sa chaise pour s'adosser à la cheminée, pendant qu'Henri Deslois poussait la porte sans pouvoir arriver à la fermer. Madame Alphonse posa sa dentelle sur ses genoux, et elle dit comme si elle répétait une leçon. « Cette maison ne servait à rien, et je suis bien contente qu'elle soit vendue. » Henri Deslois vint s'asseoir sur la table, si près de moi qu'il aurait pu me toucher. Il dit d'une voix assez ferme. « Je regrette que vous l'ayez vendue sans m'en avoir parlé, car j'avais l'intention de l'acheter. » M. Alphonse se tortilla comme un ver. Il faisait des efforts pour rire aux éclats, et à travers son rire, il disait « L'acheter, l'acheter, mais qu'en auriez-vous fait ?» Henri Deslois posa sa main sur le dossier de ma chaise et il répondit « Je l'aurais habité, comme Jean le Rouge. » M. Alphonse se mit à aller et venir devant la cheminée. Son visage était devenu d'un jaune terreux. Il tenait ses mains dans les poches de son pantalon, et ses pieds se soulevaient si vite qu'on eût dit qu'il les remontait avec une ficelle qu'il tenait dans chaque main. Puis il vint s'appuyer sur la table en face de nous, et en nous regardant l'un après l'autre de ses yeux qui luisaient, il dit avec un mouvement de tout son buste en avant « Eh bien, je l'ai vendu, et comme cela, tout est fini. » Pendant le silence qui suivit, on entendit la jument blanche gratter le seuil avec son sabot, comme si elle appelait son maître. Henri Deslois se dirigea vers la porte. Puis il revint près de moi pour ramasser mon ouvrage qui avait glissé de mes mains sans que je m'en fusse aperçu. Il embrassa sa sœur, et avant de partir, il dit en me regardant « À demain !»